Les amis, avez-vous vu un chat? Non? Vous êtes sûrs? Sûr? Bon. Bon, bah alors, dansons! Tout petit pas, nous allons voir si le chat n'y est pas. Tout doucement caché, à tout petit pas, nous allons voir si le chat n'y est pas. J'ai cru voir un chat. Si, un gros comme ça, avec des moustaches comme ça, et des longues oreilles comme ça, et... Mais même des griffes, au moins comme ça. Non? Ah bon? Bon, eh bien, alors, dansons! Petit pas, nous allons voir si le chat n'y est pas. Tout doucement caché, à tout petit pas, nous allons voir si le chat n'y est pas. Ah, j'ai entendu un chat. Si, écoutez bien. Ça miaule, ça ronronne, ça feule. Ah ben non, j'entends plus rien. Bon, eh ben alors, dansons! Tout doucement caché, à tout petit pas, nous allons voir si le chat n'y est pas. Et vous savez quoi? Je me demande quand même si le chat ne serait pas un quoi? Oui, d'accord, c'est bon, j'arrête. Allez, dansons! La la la la!